L'actualité à Nancy et ailleurs. Après Strasbourg, Marseille, Nantes, Paris, Clermont-Ferrand, Lorient, la 7e Biennale Tous pour l'architecture s'installe du 14 au 17 novembre à Nancy et à Metz. Caroline Leloup, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Maison de l'architecture Lorraine qui organise cette 7e édition. Qu'est-ce que ça représente pour la Maison de l'architecture Lorraine d'organiser cette biennale et pourquoi à Nancy et Metz ? Pour fêter les 10 ans de notre Festival du film d'architecture, c'est toujours un honneur d'accueillir cette biennale. Ça permet de présenter finalement à la fois notre environnement de travail, nos partenaires à l'ensemble des maisons de l'architecture du territoire et outre-mer. C'est une association, la Maison de l'architecture. Vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le rôle de ces maisons de l'architecture ? Les maisons de l'architecture ont toutes pour mission, donc les 34 ont pour mission de promouvoir l'architecture auprès du grand public. Et ça se fait par le biais de différents événements. Ça peut être des ateliers jeunes publics, des conférences, des expositions. Le programme est particulièrement dense. On commence avec une exposition à voir Salle Poirel. Playtime, l'architecture fait son cinéma. Pour fêter effectivement les 10 ans du festival, on s'est installé à Poirel avec une exposition sur l'architecture et le cinéma qui vient planter finalement un décor et ça vient accompagner en fait l'ensemble de ces événements. La Biennale vient ouvrir finalement le festival puisqu'il commencera par le ciné-concert de l'autre canal samedi soir. C'est une création originale de Nicolas De Ferrand, musicien, avec des musiciens en direct sur le film Métropolis, le film animé de 2020. Et le tarif pour ce ciné-concert est très accessible hein, puisque l'entrée est à 5€. 3 euros en tarif réduit, voire gratuit pour les détenteurs de la carte L'Autre Canal. Le même jour, donc samedi 16 novembre, plusieurs visites gratuites sont proposées. Oui, alors c'est l'occasion donc de travailler avec nos partenaires. J'ai déjà parlé de L'Autre Canal et bien sûr les CAUE. Donc samedi matin, il y a des visites à Nancy organisées par le CAUE. Et donc en parallèle, dans le cadre de cette biennale, il y a une exposition sur Pingusson, l'architecte Pingusson, au Trinitaire à Metz, et des visites guidées de certaines de ses églises et aussi de la caserne. Donc il y a énormément de choses à voir, c'est vraiment pour tous les publics ? Ah oui. Alors c'est l'occasion évidemment pour les maisons de l'architecture de se retrouver et d'échanger sur comment finalement on travaille chacune sur nos territoires. Mais c'est évidemment l'occasion d'offrir différents événements au grand public. Donc visite effectivement, les concerts sont évidemment ouverts à tous les publics et puis les expositions. Un autre concert, parlons-en, c'est le trio architecte. Là, on est le vendredi 15 novembre et c'est à la salle Poirel. Oui, un trio jazz avec Jérôme Forer qui est compositeur et donc qui travaille sur des portraits d'architectes en musique, avec des dessins, mais aussi et surtout en musique. Et comment la musique peut décrire l'architecture ou décrire une architecture. Les deux concerts me semblent complémentaires, c'est-à-dire qu'on a un concert à la salle Poirel très jazz et puis un ciné-concert qui se prolongera par de la musique électro à l'autre canal. Donc il s'agit vraiment de passer la nuit, ou en tout cas une partie de la nuit, à l'autre canal. Et puis, dans les propositions pour le grand public, on a aussi des tables rondes, des discussions le samedi après-midi à l'Octroi, dans la petite halle, avec des ateliers et jeunes publics et également l'atelier Miracle qui viendra pour de la sérigraphie. Le dimanche matin maintenant, un autre rendez-vous qui là va mêler sport et architecture. Visite depuis l'eau en aviron, alors ça c'est une petite expérience. Les repères urbains c'est une de nos éditions, une des cartes qu'on édite avec une promenade le long de la Meurthe, promenade qu'on propose d'habitude à pied, à vélo. Et là, on propose de la faire depuis l'eau en aviron. Voilà, ça c'est dimanche matin, ça, donc c'est à 10h. Dimanche matin pour les lève-tôt. Il y en a qui pourront le faire en footing aussi, s'ils ne veulent pas aller tout forcément sur l'eau. Ouais. Mais ça, c'est quand même très original. Ça permet de vraiment avoir un regard totalement différent sur l'environnement. Ah oui, clairement, pour faire de l'aviron, on a une vision depuis l'eau totalement différente de la ville. Et c'est un regard décalé qui est, me semble-t-il, important. Nous avons évoqué plusieurs rendez-vous. Comment faire pour retrouver tout le programme ? sur le site du réseau des maisons de l'architecture et sur le site de la maison de l'architecture de Lorraine, bien sûr. Donc on le rappelle, l'ouverture du festival et de la biennale. Alors la biennale commence le 14 et ouvre le festival samedi soir avec le ciné-concert et ça se poursuit la semaine suivante dans les cinémas qui sont partenaires, autant UGC que Caméo et Club à Metz. Et puis, la semaine suivante, on se retrouve salle Rographe pour toute la semaine et jusqu'au 29 novembre. Merci beaucoup, Caroline Leloup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.